Mais le coton et boule d'or, deux gosses dans une forêt. Mais le coton, où elle est maman? J'en sais rien, viens, donne-moi la main pour aller où? J'en sais rien, viens. Papa, il a une grosse voix, tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Mais le coton, mémé, elle rit souvent, tu crois qu'elle est toujours content? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Périnée, elle est grande, presque comme maman, pourquoi elle joue pas avec moi? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Christophe, il est grand, mais pas comme papa, pourquoi? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Dis, Mélocoton, tu crois qu'il nous aime? Ma petite boule d'or, j'en sais rien, viens, donne-moi la main. On se trouve dans une forêt de bambous enneigés. Il fait très sombre. On est dans une forêt, on se trouve dans une forêt de bambous. Le noir règne, le sombre, il règne quasiment partout de ces temps-ci, dans les forêts, les vieilles maisons abandonnées, les cavernes, tout ce qu'il n'y a pas de lumière. Le sombre peut aussi se cacher dans des personnes, il peut être partout. Surtout dans ces temps-ci, ces temps si durs. Dans la forêt de bambou, près de la maison, la maison des feuilles dont vous avez échappé la dernière fois. Il fait effectivement très noir, une nuit qui s'est pas. À laquelle n'a pas succédé le jour depuis longtemps, trop longtemps, si bien qu'à l'heure qu'on est censé être dans le sud, eh bien il fait froid. Le sol, en fait, sous les bambous, est couvert de cendres, parce qu'on est le 1er décembre. Et vous voyez arriver vers vous un enfant, difficile de dire si c'est un garçon ou une fille, il est trop jeune pour qu'on le sache. Et cet enfant est tout rond, avec des boucles blondes. Il a l'air de respirer, il respire l'innocence. Et donc il s'approche de vous avec le sourire satisfait de la rencontre qu'il vient de faire. Et il tient, en fait, cet enfant qui s'appelle Boule d'Or, il tient dans sa petite main une pelote l'extrémité d'une pelote de laine. Et donc la pelote court le long des cendres et des feuilles mortes. Et en fait, à l'autre bout, loin, se pressant un peu pour rattraper Boule d'Or, vous voyez émerger des jambes et des bras blancs. Et au début, vous voyez que ça, en fait, émergeant de l'obscurité, quoi. C'est plutôt une vision effrayante. Et en fait, au bout d'un moment, j'émerge, en fait, des ténèbres. Et vous voyez mon visage, et je suis juste un enfant comme vous, quoi. J'ai peut-être... Moi, je suis un jeune adolescent, quoi. Et je fais... Désolé, j'espère qu'on vous a pas fait peur. Je m'appelle Melo Cotton. Et voici Boule d'Or, quoi. Et donc Boule d'Or... Boule d'Or... C'est un petit enfant de 8 ans, quoi. Bah, il est très intrigué. Boule d'Or est très intrigué par Pandarou, du coup, évidemment. Fais attention, Boule d'Or, on sait pas si c'est mort. Non, ça, tu risques rien, ça bouffe que des feuilles. Les feuilles que tu trouves là sur les cannes, mais ça a déjà mangé ce matin, hein? Ça a bien mangé? Ça a déjà mangé. Rassure-toi. Et c'est tout doux. Même si ça a des puces et des poux, c'est tout doux. En revanche, méfie-toi, hein, parce que les puces et les poux, ça pique. Évidemment, Boule d'Or s'en donne à cœur joie. Encore un peu. C'est bon, les feuilles. Tiens, mange des feuilles, je te donne des feuilles. Ah, il va devenir gros comme un ballon. S'il continue. On est à la recherche de... on est à la recherche de notre mémé. Vous avez pas vu une mémé par hasard? On a réussi à échapper à une naissante mésère qui en voulait, qui avait... qui nous a volé notre ciboulot. Tu vois, là, j'ai un trou, ici. C'est pour ça que on a échappé à la mémé, parce que, poum! J'ai pris un trou dans le crâne, et maintenant, j'ai du plomb dans la tête, et je suis bien ancré dans le sol, mais je vole aussi avec nos amis, les fantômes. Et il y en a plein partout autour, mais... Ici, ils sont gentils, parce que nous, on est tous gentils. Alors, pour sceller notre pacte d'amitié et vous rassurer, moi, je t'offre je t'offre une feuille magique que nous a donnée autrefois la Mévère. Alors, elle est investie d'un pouvoir. Il y a des mots qui sont écrits, mais seuls les sachants, ceux qui savent les mots, ils peuvent les lire. Tiens, prends-en soin. Bah, du coup, je vais vous offrir quelque chose. Je vous offre une bougie magique. C'est une bougie qui brille sans avoir besoin de l'allumer. C'est une bougie magique. Et on sera plus perdu dans la ténèbre. En fait, si tu marches, il paraît que si tu marches avec pendant quelques temps, tu arrives dans les forêts limbiques. Bah, peut-être qu'on va pouvoir trouver ta mévère à toi. Peut-être qu'elle est différente de la nôtre. C'est pour ça que l'avez pas croisée. Ma mémé, elle est gentille. Hein, ouais. Ah ouais, elle est un peu vieille, hein, elle est un peu toc toc, mais. Ah bah nous on a toc toc le Sinoc là. On s'est pas présenté. Moi je m'appelle Albert Tripier. Et moi c'est Léo. Toc toc le Sinoc. Tic tac. Et là on a petite avec ses beaux cheveux et petite en fait on l'appelle petite mais elle est pas petite, c'est ma grande sœur. Et voici nos poteaux. Je suis un poteau. Et il y a le vagabond qui traîne parfois avec nous. Comment qu'il s'appelle? J'oublie toujours son nom. Onaru. Comment tu dis? Onaru. Onaru. Non, parce que j'ai aussi des problèmes d'ouïe depuis que on a creusé dans le terrier, j'ai les oreilles pleines de terre et ils n'entendent plus très bien. Onaru, tu dis? Onaru. Du coup, il y a Bouledor qui te trouve sympathique. Et donc, le petit Bouledor, il vient vers toi comme ça, puis il fait... Tout est lié. Tout est lié. Je m'appelle Bouledor et voici mon histoire. Je suis perdu dans la forêt parce que je cherchais l'oiseau humide, mais le coton de musique m'a dit d'arrêter de partir dans la forêt, mais moi j'avais trop envie de trouver l'oiseau humide. Du coup on s'est perdu, c'est pour ça qu'on a pu notre mémé et tout, mais le coton m'a un peu grondé quand même. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Et quelle est ton histoire, toi? Bah, en fait, avant, j'étais un humain comme vous, et en fait, j'avais plein de copains animaux, et j'étais copain avec Albert, et je me suis fait transformer en animaux. En animaux. Mais toi, alors, quelle est ton histoire? Parce qu'ils sont plusieurs dans sa tête. Donc, il faut le pluriel. Il est un animal à lui tout seul. Si tu m'éloignais de... cet endroit, en vous montrant l'image, j'ai choisi, c'est un entrepôt de vitalité qu'on peut voir dessus. J'ai dû partir de cet endroit et depuis je cherche à le rejoindre. Non, j'ai pas la photo là. Désolé, j'avais pas prévu en avance. Et je cherche à y retourner. En espérant que ceux qui m'y achetaient n'y aient plus. Bah, peut-être que mémé est là. Peut-être, avec un peu de chance. Il y avait une odeur particulière dans ton entrepôt. Je ne saurais la définir, mais ouais. Si tu pouvais, ne serait-ce que l'envisager, peut-être que avec en écoutant le vent, les morts ils pourraient nous dire où ça se trouve, pourraient nous guider au travers des forêts limbiques. Maintenant, on a une lumière pour nous éclairer. Et on suivrait la voix des morts qui nous susurrent à l'oreille. Et alors, on pourrait retrouver l'entrepôt. Je vais essayer. Calme-toi. Je t'attends avec cette pierre. Alors, mon popi, il disait... Et c'est bon, fais. Allez, fais. Fais, gars. J'ai l'odeur en tête, mais je n'arrive pas, toujours pas plus à la décrire. Bah, peut-être aussi sentir l'odeur de mémé. Mémé, elle sent le vieux et tout. C'est facile à la retrouver comme ça. Et puis elle sent la tarte aux pommes aussi. La La tarte aux pommes. Bah, si on trouve Mémé, va nous faire la tarte aux pommes, c'est sûr. Tarte aux pommes ? Alors, tarte aux pommes ? Qui parmi nous aura le plus le palais, l'appétit aiguisé par la tarte aux pommes ? Ouais, c'est très bien. Est-ce que la tarte aux pommes, ça t'évoque quelque chose ? C'était pas un entrepôt de tarte aux pommes. Ah, peut-être qu'il y avait des pommes quand même. Parce que moi, ça me fait envie de manger des pommes. Il y a longtemps que j'ai pas mangé des pommes. Bah, on a qu'à allumer la bougie, puis se suivre les odeurs, quoi. Alors, j'allume la bougie. On allume la bougie, on suit. Moi, en fait, je vous invite à tous tenir la pelote pour qu'on se perde pas. Moi, je la tiens déjà, en fait. Et moi, j'étais déjà en train de jouer avec. Et on avance, en fait, dans la forêt de cendres, et il y a des branches qui craquent sous nos pas, comme si c'était des eaux moisies. On avance, et de plus en plus, c'est inondé, en fait. Et on a, en fait, ça évoque plein d'endroits. D'abord, évidemment, c'est le limon du Nil, chargé d'alluvions. Le limon noir est pesant comme une tourbe vivante qui commence. Les pieds s'enfoncent, en fait, dans l'eau. Ça remonte dans les godasses, dans les pantalons et tout. Ça remonte jusqu'aux genoux par capillarité. Et aussi dans les papates. Et ensuite, les étendues d'eau sont de plus en plus grandes, comme des deltas. Yeah. Et on ne sait plus si on est dans une bambouserie ou une palmerie inondée par le Nil, ou si on est en fait dans les îles de Venise, engorgées par l'eau et la marée. Il y a ces gigantesques marées couverte de lentilles iridescentes, en fait, les couleurs disparaissent petit à petit, en fait, le vert des lentilles d'eau disparaît, s'efface, se gomme, où on sait plus si on est dans les ortillons inondés, à l'approche de verticale. Et puis, il fait de plus en plus noir, on voit plus que les troncs des arbres, on voit plus les branches, on avance. Il y a de plus en plus de débris et il y a des cailloux. Il y a des cailloux qui ressemblent presque à des crânes. Avec dessus, il y a des sigils. Mais c'est pas des beaux sigils avec des beaux dessins tout droits, en fait. C'est des grosses bavures. C'est ok pour que je sois un petit peu plus méchant. On avance. Non. On avance et il y a une forme qui sort du noir. On voit ses deux jambes. Et ses deux bras sont tout blancs. Quel goût je peux savoir si tu me dis quel goût j'ai, tu pourras me manger. La pomme, une tarte pomme. La pomme, bien. Et si on dit pas le goût, ça fait quoi? Faites la feuille. Je serai très fâché. Ah, ok. Si on me donne un bon goût, ce sera plus. La pomme qui a caramélisé, qui est toute sucrée. Une pomme d'amour. Et donc la chose se traîne vers vous, traçant un sillon dans la cendre, avec ses bras et ses mains grêles et tendues. Vous pouvez me manger. Feuille ? Pourquoi te manger ? Feuille ? Pourquoi des feuilles ou pas ? Parce que j'ai un goût de feuille. C'est faux. Reste dans d'ici boulot. C'est pas pour toi. On a trop dit pomme. Tu vas pas aimer la pomme. La pomme, moi j'aime bien. Mais ma petite grande sœur, elle aime peut-être encore plus la pomme quand elle est toute sucrée. Hein? Oui. J'ai pas l'air si bien. T'es sûr? Oui, le goûter. T'es sûr? Hein? C'est peut-être pas manger, le goût que tu veux. C'est bizarre. Mais le goûter quand même. J'aime pas le goûter. Tu mords dans la main osseuse et friable de la chose. Moi, je ne mange pas. Et en fait, comment... Sa main s'éclate comme une coquille et elle est remplie de feuilles. De feuilles craquantes et vertes. Non, j'avais dit des feuilles... Non, moi je passe. Et sa main tombe, des feuilles se déversent de son poignet. Et je mange tout. Elle va devenir comme ça. Tu vas avoir le bidon trop plein. C'est bon, c'est fini, que remarque. Tu vas exploser. Et puis il va faire. La chose titube et tend son moignon vers vous. Vous pouvez me finir. Pourquoi tu veux qu'on te mange? C'est pas logique. Tel est mon destin. Ah bon? Pourquoi cela sera ton destin? Moi je sais pourquoi il faut la manger complètement. Parce que après, quand il fera caca mou, il y aura des petites graines qui vont semer sur le sol. Et comme ça, la forêt, elle pourra pousser et protéger notre cité. J'ai pas compris. Quand tu fais caca, il y a des sauces dans ton caca mou. Il y a des feuilles. Et les feuilles, elles vont faire d'autres feuilles. Il y aura des rhizomes qui vont pousser dans le sol. Non, il faut s'en aller. Moi, j'ai super peur de ce truc. Et Bouldor a peur aussi et tout. Non, ce truc nous poursuit depuis un moment. Je vous poursuis ? C'est sûr. Non, il faut s'en aller. Je me range à leur intuition, personnellement. Moi aussi, je me rends à leur intuition. Et si tu me donnes des feuilles, je te suis. S'il vous plaît. Au pire, on met un temps, ça se prince. Je vais croquer dans mes os. De toute façon, j'aime pas les os. Ils sont faits de feuilles, de tartes aux pommes, et de souvenirs mélancoliques. De souvenirs mélancoliques, ok. Je vais devenir mélancolique après. Je vais pleurer. Il y a Vladimir et... Et Barnabé. Et Barnabé qui viennent. Tentative de suicide. Des feuilles. Que des feuilles. Là, regardez, il est plein de feuilles, le monsieur. Touche pas. Feuilles. Don't touch. Feuilles. Non, feuille, tiens. Mais c'est pour mes copains. Tiens. Endommagé. Encore. Non. Sûrement à cause de ses feuilles, il lui donne encore plus d'envie de manger. Si on le mange, il va nous donner envie de manger. Je fais de la guitare. Le radius a un goût de pomme, de tarte aux pommes qui rappelle des bons souvenirs, les souvenirs qu'on n'a jamais eus, hein, ceux d'une enfance heureuse avec une mémé aimante, hein, ce qui est malheureusement pas le souvenir de beaucoup d'enfants à nouveau. Je vois le fichier de la vieille qui, qui, tout serré autour de son menton, et elle nous sert dans son plat des tartelettes toutes fumantes qui sortent du four bien chaud. Mange, tu sais pas qui te mangera. Ah oui, ça, c'est bon, c'est meilleur que la soupe au sel. Moi je goûte pas. Hein. Mais... Je vous dis, plus vous mangez, plus vous aurez envie de manger. Vous êtes tout maigre, les enfants. Il va vous manger après. Mais la mamie a la raison. Si on mange pas assez, ben on fera tout frêle et puis on pourra pas pédaler. Ça y est, il a envie de manger. C'est trop tard. Allez, viens, viens. Meurs. Allez, grand sœur, après on pédalera ensemble. Non. On pédalera plus fort, plus loin, plus haut. Non, pourquoi pédaler? Toujours pédaler. Non, je veux pas goûter à ce truc. Pour couper les eaux. Parce que sinon, les eaux, elles vont s'infiltrer dans la cave. Et puis, il y a les mauvais champignons qui vont venir. Et puis la cave, elle va s'effondrer. Et puis la maison. Et puis on va disparaître. N'as-tu pas entendu ce qu'il a dit? J'ai entendu surtout la vieille. Elle nous a porté super plat. Tiens! Non. Mange. Vous êtes dans le souvenir, c'est la table en bois avec la nappe à carreaux. Dans la petite maison, à travers les fenêtres, on voit que la forêt et tout est installée. Donc ça sent super bon la tarte aux pommes qui est mise à réchauffer sur le poêle. Assis avec vous, il y a la chose, elle a déjà plus d'avant-bras, il n'y a plus que les coudes. Sa tête est dans le noir, on ne voit pas sa tête. Mais ça se trouve, ils sont en train de manger la grand-mère. Elle n'a rien demandé. Voilà. Tend vers vous son bras. Il y a son bras qui tombe. Et la mémé met dans l'assiette le bras. Mange, tu sais pas qui te mangera. Justement, je t'entends pas ce truc. T'entends pas? Je suis la seule à entendre. Non, moi, j'ai pas envie de manger. J'ai pas envie de me faire manger. Bah, tu vas te faire manger si tu continues. Pas te faire manger, il faut manger. Mais non, vu que tu seras avec moi, tu seras tout gonflé, tout gras. Non, il faut qu'on éteigne la bougie, c'était pas une bonne idée. C'est pas ma vraie mémé, j'en suis sûr. C'est fait, je l'ai éteint. Il fait noir. Il fait très noir. Très noir. Il est où, Albert? C'est qui s'amuse à souffler? Qui s'amuse? C'est froid. T'as froid? T'as trop mangé! C'est froid, venez m'aider! Tu vas te faire manger! Perdu! Je vous vois plus! Tu vas te faire manger! Non! Je rallume ou pas? Rallume! On n'est plus dans la maison de la mémé. Dans la cave, non? Il n'y a plus la chose. Il y a juste pour certains d'entre nous, tout ce qui en reste, c'est le sentiment de ventre plein. Pas moi. Mais on a quitté les forêts limbiques. Que lui. C'est lui. Heureusement qu'on avait la ficelle. Mais Albert, pourquoi t'as lâché la ficelle? Est-ce que t'es bien revenu? Elle m'a dit que j'étais en vous... m'a ravouté. Alors si grande petite, elle me dit que je suis maravoutée, c'est que je suis maravoutée, alors il faut pas de reste avec vous. Mais non, c'est bon, tu crois que tu es avec la ficelle. Tu peux reprendre la ficelle. Je peux reprendre la ficelle, oui. Tu me donnes la main. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. C'est bon. Tout est feuille. Tout est feuille. Feuille. Ah, ça c'est une vertitude. Feuille, tout est feuille. Trop de ficelles. Quelqu'un peut tirer. On a trop de ficelles. Trop de ficelles. Trop de ficelles. Vas-y, prends. En fait, cette pelote, elle est un peu bizarre. J'ai l'impression qu'elle est de plus en plus grande, en fait, comme si elle grandissait. Comme... On dirait que c'est trop le boyau. C'est pas le boyau de la... De la vieille marabouteuse? Quoi? Qu'on tire là? Non, non, du tout, c'est. Pas du tout. C'est le châle de mémé. Pas en fait, c'est moi qui lui ai décousu. Bon, elle a pas été. Mais bon, elle se fâche jamais longtemps, elle a tout le temps, alors bon. Ça va, elle a pas été trop fâcheuse, mais du coup, c'est tout ce qui reste de son chat, là. Je suis perdu dans le fin fond. Je m'en sers parce que Bulldor veut toujours. De sa mamie. Ouais, Bulldor, elle veut surtout toujours partir dans la forêt et tout, donc je lui dis, faut jamais qu'elle lâche la pelote. Mais là, je suis inquiète parce que la pelote est de plus en plus longue et du coup, Bulldor, elle parle de plus en plus loin, quoi. Mais maintenant, la pelote, c'est pas. Et puis, j'ai peur que ça se déchire. Ou que ça s'entortille. Et ou qu'elle la lâche. Hein. Et que je la perde de vue, quoi. D'ailleurs, elle est où, la boule d'or? Tu la vois, toi, là-bas? Non, je suis à l'une des extrémités. L'une des extrémités. Ma petite boule d'or. Elle est là. On remonte, faut qu'on remonte la ficelle pour trouver boule d'or. Elle est là, je la vois. Yaya, regardez, elle est là. Aïe, yaya. Aïe, yaya. Je suis parti chercher l'oiseau humide. À nouveau? Ouais, je sais pas, moi j'ai entendu parler, je veux le voir. Bulldor, arrête de courir. J'ai vu quelque chose. Oui, mais nous, on ne te voit plus. Oh non, il va se faire manger. À table, non. Il faut qu'on la rattrape. Qu'est-ce qu'il... Faites ce que vous voulez, moi je voulais, je remonte la ficelle. Moi je vous... Elle moi, lâche je pas. Elle lâche pas. Vous êtes... Ça mord. Il fait un bruit de chien. Ça puant qui traîne là. Je pense que la créature est en colère qu'on ne l'ait pas mangé. Il y a quelqu'un qui fait des bruits de chien. Comment on fait contre les sapuants? Bah je sais moi, on les griffe, on leur met du produit. T'as du produit? T'as dit seulement du produit? Je te donnerai des feuilles si Parce que moi j'ai pas du produit contre les sapuants. Regarde par terre, là, y a du produit. Wow. C'est quoi ce produit? C'est un produit anti-chat, tu connais pas? Anti-chat. Tu le prends, moi. Il y a Bulldor qui marque un arrêt, en fait, au pied d'un bouleau. Et dans les branches du bouleau, il y a un chat sauvage, un gros chat sauvage, poilu, avec des grandes oreilles, des grandes dents, puis des yeux énormes. Et, Je connais ça, on travaille en français. C'est le Rorschach. En fait, son poil est fait d'encre. Et il y a plein de taches d'encre. En fait, il est fait de taches d'encre. Et ça bave d'ailleurs sur le bouleau, quoi. Et il y a ses deux yeux qui brûlent comme des fanaux au milieu de son pelage d'encre. D'encre de différentes teintes, plus ou moins sombres, plus ou moins claires. Et ça bouge. Ça bouge. C'est pas lui. Et il est un peu apeuré par. Par vous tous. C'est normal. Comment rassure en s'appuyant avant qu'il ne fasse rien? Ça touche pas, il faut le tuer. Il est pas gentil, il veut nous posséder. Calme-toi, le panda roule. Tu as quitté la corne? Non. Reviens avec nous. Je l'ai, c'est bon. Grande petite. Si on a suivi la lumière de ses yeux, on va se perdre en lui. Moi, je suis sûr qu'il est gentil. Moi, je peux pas monter dans l'arbre, je suis trop petit, mais si vous voulez monter dans l'arbre, il faut le caresser. C'est un oursa, je le connais. Moi, j'aime bien les sorts, alors je veux bien monter dans l'arbre. Qui me fait la courte aisselle? Pas moi. Pas moi. Ok, pas drôle. Je te la fais. Ah. Si tu veux. Si tu veux mourir, vas-y. Hein? Je tiens à ma vie. Ah non, j'ai rien dit, moi. Vas-y. Eh, tu me tiens bien, hein. Oui, je te tiens je bien. Je veux pas tomber, hein. Je vais te faire mal, sinon. Hein. Oui, oh. Oh, t'as... Moi, je dis t'as vécu pire. Ah, ah bon. Ah, si tu dis. Fais attention de pas te faire griffer, hein. Tu tends la main, suspendue aux branches, et tu fourrages son poil d'encre. Et en fait, l'encre remonte dans ta main et passe en fait dans le trou de ta tête, comme si c'était un encrier. Et en fait, c'est l'encre de ton récit, de ton histoire, et tu plonges dans un de tes souvenirs. T'as rendu un de tes souvenirs. Ainsi est l'offrande du Rorschach. Moi, je veux pas y toucher. Nous sommes assis avec petite. Doucement, pas me faire tomber vers mon canard. Et toute la famille, on fait un grand repas. La mamie, elle a préparé des toffées. Albert, on fait silence avant que le repas commence. On est les petits, ils ont pas appris à couper la parole aux grands. J'ai pas su. Merci, on fait comme ça. C'est très bizarre. Et ça va être bon. On sent le fumet d'étoffé qui se répand. Se répand dans la cuisine. On est tous attablés. La table, elle est poisseuse, comme toujours. Mais elle est poisseuse parce que c'est bon, parce qu'on a mangé gras, parce qu'on a le ventre plein, et comme ça, on n'a pas froid. Je vais te faire manger. Réveille-toi. Et chacun, on a bu notre soupe, la soupe épaisse aux poireaux, avec du sel, plein de sel. On a tous bu. On a tous bu notre soupe. Et maintenant, la mamie, elle sert l'étoffée toute fumante, toute molle dans l'assiette. C'est tout doux à l'intérieur, c'est tout mou. Et c'est craquant autour comme du caramel. Le caramel, non, le caramel. C'est caramel. C'est bon, c'est chaud. J'ai peur du caramel. T'as peur du caramel. Caramel. Le caramel. Il va mourir. Le caramel. Et il y a. Dreamcon. Il y a l'oncle qui est là. Il a sa vieille guitare, toute désaccordée. Et quand il est de bonne humeur, il égrène quelques notes et puis il pousse la chanson à la fin du repas. Et on est tous au calme. On est tous alignés. Et puis sur le manteau de la cheminée, il y a les petites statuettes qui veillent sur nous. Les statuettes des anciens. Ceux que le Popi a ramené de la Syrie. Ceux qui nous protègent. Il y a des bonhommes tout gras, tout gros, qui ouvre ses mains et qui a un grand sourire. Un sourire qui lui va jusqu'aux oreilles. Ah, je la connais. J'ai grandes lèvres épaisses. Et il a plein de bisous et il est tout doré. Moi, j'aimerais bien avoir une de ces statuettes parce qu'elle protège des choses sombres qu'il y a dans la nuit entre les arbres. Mais j'ai jamais osé prendre la statuette. Je sais que le tonton, il en a dans sa chambre. Mais j'ai pas le droit, moi, d'en avoir, parce que c'est trop petit. Mais vous, vous en avez déjà pris, peut-être? Toi, t'en as pris, petite? Non, jamais. Et toi, cousin, t'en as pris? T'as pas osé? Le Cédric, celui qui fait toujours des crasses, celui qui est toujours crado, celui qui monte des cerises à s'en mettre partout, il en a jusqu'aux pieds. Il est tout assez... les myrtilles, je te dis pas, quand on fait la chasse aux bramelles, c'est terrible. Il est tout violet, le gars, quand il revient. Et ben, le Cédric, lui, il a embourbé une de ses statuettes. Elle est dans sa poche. Et tu me fais furieusement penser au Cédric, toi. Toi, t'as dû manger des brimbelles à t'en faire péter la panse. J'en suis même mort. Wow. C'est parti en une cacahuète. C'était donc toi, le Cédric? Et peut-être. Alors, le mot que tu m'as dit que j'ai oublié, ton nom, que t'avais oublié, eh ben en fait, c'est ce qui repose... c'est les mots, là, que... Mon front, il a déversé avec l'encre du Orsa sur la pierre noire, le sacré, hein. Des vieux souvenirs. Pas la feuille. Vilain fandard. C'est ton nom? Non. Y a-t-il écrit le Cédric dessus? Moi, je ne sais pas lire, mais toi, peut-être? Non. Garde-le précieusement parce que ça a été frappé de l'encre des mots. Et vous sentez la corde tirer. C'est qui tire la corde? Je sais pas. Moi, je la tiens. Moi, je tiens toujours la corde. Je suis passée du milieu au bout. Dis-moi, tu veux toujours le chercher, ton entrepôt? On devrait peut-être quand même réessayer. Peut-être, mais... Je pense que ça te ferait du bien de le trouver, hein. T'as l'air triste de pas... Je prends mon mal en patience. Pourquoi la corde, elle est si tendue? Elle n'était pas tendue? Mais je pense que c'est lié, en fait. Pourquoi les... J'ai envie qu'on trouve ton entrepôt. Je suis désolé qu'on ait pris un chemin dangereux. Hein. Tu t'es envie. Peut-être qu'il y a d'autres chemins. T'en penses quoi? Pourquoi elle est tendue, la corde? Quel chemin tu voudrais prendre? Il y a quelque chose qui vous... Un où on ne croiserait pas celui qui propose de nous manger. Oui. Et toi, petit, tu penses qu'on devrait passer par où? Bon, je sais pas. Je crois qu'on devrait... On est perdu depuis un bon moment. Tous ressemblent ici. Tous ressemblent. Pourquoi la corde, elle bouge? Comment... Peut-être que tu devrais, avec tes objets, tu pourrais faire quelque chose. Peut-être que tu pourrais, je sais pas moi, appeler l'oiseau pour qu'il nous guide avec ton rapport. Où est-ce qu'il est, Bouledor? Bouledor! Non, voilà, et la corde de tir? Je cherche l'oiseau humide. Hein. Encore? Bouledor, arrête de t'éloigner tout le temps. Ouais. Tu me fais peur. Mais pourquoi la corde? Peut-être que... Appelle l'oiseau humide. Lui nous amènera au bon endroit. Mais c'est de l'autre côté, joue c'est du pas Poule d'Or. Petite. Mais malheureusement, c'est on pas a, Poule d'Or on a plus qui d'eau tire. Depuis un moment. Il va mal c'est fonctionner. Pas moi. On a de l'eau pour en mettre pour mettre dans l'oiseau. Mais regardez, la corde elle tire. Tu peux. Il faut pas qu'on traîne. Ah, t'es sérieux? T'as craché dedans. Bah, écoute, c'est à de l'eau. Ouais. La corde, elle tire. Allez, s'il te plaît, petite. Mais, il est où, la peau que t'avais trouvée dans la maison des feuilles? Je sais pas, mais la corde, elle tire, ça fait peur. Attends, j'ai une idée. Coupe la corde. Est-ce qu'on est ici? Mais non, après, on va se perdre. Non, mais juste, on va couper le bout qui tire. Vagabond, donne-moi les ciseaux. Vas-y. Coupe sur le bout qui tire, vite. Mmh. n'y arrive pas. C'est bon. Maintenant, traînons pas, traînons pas. Mais c'est bizarre, ça tire toujours. Regarde, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a un objet qui bouge tout seul. C'est Fabri. C'est l'oiseau, il faut le suivre, il faut le suivre. Mais regardez, il y a quelque chose qui bouge. J'ai peur, j'ai peur. Regardez, ça s'approche. Il y a une vieille dague qui bouge. Psychopathe. Mes enfants. Regarde, il est pas de retour, lui. Mange, mange. Je sais pas qui te mangera. Ok, on s'éloigne. C'est mémé, c'est mémé. Mais non, non, vous êtes sérieux. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ouais, mais là, Coton et Mulder, vous étiez encore passés, malidu. Oui, je veux dire, nous avions cherché partout. Vous êtes sûr que c'est votre mémé? Oui, c'est mémé. La sève noire du bois l'aura pas maraboutée, votre mémé? Bah, de toute façon, mémé, elle avait déjà plus toute sa tête. Hein. Elle est bloquée, hein. Pourquoi t'es bloqué? Mais non, je suis gentil, mémé. Lui, il fait de la tarte aux pommes, elle a refroidi. Pourquoi t'as un couteau? Mais pour couper la tarte aux pommes, mon enfant. Mais pourquoi il est plein de sang? Mais non, c'est juste Brimbel. Ah là là. Mais ça me fait trop de conclusions hâtives. Vieux souvenir. La tarte aux pommes, il n'y a pas de jus de Brimbel dedans. Ça finissait en rose. Hein? Qui vous connaissez-vous une recette de tarte aux pommes avec de la brimbelle? Non. Non. Elle est bizarre, hein, votre mémé. Elle veut nous découper la bidoffe ou quoi? Mais non, mais j'ai fait aussi la tarte aux brimbelles. Ah bon? Eh, c'est bon ça, la tarte aux brimbelles. Je me suis dit que vous étiez nombreux, alors j'ai fait deux tartes. Mais pourquoi ta voix, elle a changé d'un coup? Mais non, elle n'a pas changé du tout, voyons. Qu'est-ce que tu racontes? Sors de ce corps, Kara. Petite Kara. Oh là là, allez, le paralysme. Allez, on mange le tarte aux pommes et puis on suit l'oiseau. Hein, avant qu'il s'en aille. Kara, je sais que t'es là, tu vas pas nous découper comme t'as fait. J'ai connu un bûcheron, il faisait de la tarte aux oiseaux. Il y avait les pattes qui sortaient de la tourte. Je crois que tu t'embrouilles. Alors, il faut manger la tarte avant qu'elle se sauve. Moi, j'ai pas très faim. Non, je vais pas manger la tarte de Kara. Mmh. Oh, Parano, tu veux une tarte aux feuilles? Mais il y en aura plus pour les autres. Tu veux une tarte aux feuilles? Toi, mange ta tarte aux feuilles que la grande elle te fait, et puis nous, on mange la tarte aux pommes et aux brimbelles de... Mais elle fait peur, cette mémé, avec son couteau dans les mains. Bah, une fois qu'elle a coupé la tarte... C'est bon, je range mon couteau, regarde. Mais tu vas sortir ton arc. Mais non, il faut pas avoir peur, c'est pas parce que je suis vieille que je suis méchante. Mais pourquoi quand t'es arrivé, t'as dit « Vous saurez pas ce qui va vous manger » et t'as rigolé avec le couteau dans les mains? Bah quoi, bon, je ne sais pas qui te mangera, je connais pas le proverbe. Ce proverbe est vachement inquiétant. Ouais. Je suis d'accord. Très inquiétant. C'est du caca tout craché. C'est normal, les enfants doivent s'inquiéter. C'est pour ça qu'on leur raconte plein d'histoires inquiétantes. C'est important qu'ils s'inquiètent. Et alors, on a le droit de s'inquiéter de savoir si c'est toi, Cara. Non mais, il faut qu'ils s'inquiètent, mais pas de moi. Bon, viens, je vais te faire ta tarte aux feuilles. Viens. C'est sûr, c'est Cara, j'ai vu. Si tu veux, je la mange avec toi. J'ai vu le panneau, il y avait marqué attention. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y avait le même tout couteau sur le panneau, attention. Je te crois, je te crois. Oui, bon, allez, maintenant, suis-moi. Faut pas l'écouter, faut pas l'écouter. Bon, allez, suis-moi, sinon je te fais pas de tarte aux feuilles. Je m'éloigne pendant que vous êtes en train de manger votre tarte aux feuilles pour m'approcher de façon le plus discrète possible du petit oiseau qui s'est posé dans la clairière tout près de nous. Un petit oiseau rondouillard qui frissonne dans les frimas de notre nuit de décembre. Est-ce qu'il est trempé ? Il est bruisselant et dégoutte sur le sol tout constellé de cendres. Je m'approche tout doucement. J'ai plus ma dague, elle l'a pris. Pose mes mains autour de son corps tout frissonnant, je glisse ses plumes. Je le porte en ma main, j'ai comprimé ses plumes pour l'empêcher de s'envoler. Je m'éloigne tout aussi doucement de l'endroit où je l'ai cueilli pour m'approcher de Boule d'Or. Et je lui tends l'oiseau. Oh, le petit oiseau. Je mets la pelote à la patte. Comme ça, quand il sera réchauffé, il nous amènera à l'entrepôt. Ce serait pas l'oiseau trempé que tu cherchais ? Mais oui, c'est lui. Et comme ça, le vagabond, il ira mieux. Mais s'il est trempé, l'histoire, elle raconte qu'il ne séchera jamais. C'est pas parce qu'il séchera jamais qu'il faut pas prendre soin de lui. Ouais, mais t'as dit on attendra qu'il sèche pour y aller. Il a dit qu'il se réchauffe. Voilà. Ce n'est pas sécher, se réchauffer. On a qu'à tenir une bougie près de lui pour que dès qu'il a froid, il vienne se réchauffer à la bougie. Pourquoi la bougie normale alors. Mais pourquoi la corde elle bouge toujours ? Parce qu'il faut suivre le chemin. Mais c'est qui tu veux tenir la bougie pour réchauffer l'oiseau ? Où est-ce qu'elle est la mémé ? Je tiens. Oui, la mémé. Je reste comme ça. Non, mais je suis là, vous inquiétez pas, les gamins. Marchez juste pas trop vite. On marche lentement pour préserver la flamme de la bougie qui réchauffe notre oiseau humide. Et pour garder dans notre sillage notre brave mémé qui nous accompagne jusque l'entrepôt. Vous avez entendu ? Il y a quelqu'un qui a toussé. Ah, la mémé, elle a pris froid. Puis c'est l'oiseau, il tousse parce qu'il est tout mouillé. Et on va faire cercle autour de lui pour le réchauffer. En plus de la bougie qui dispense sa flamme, on a toute la flamme de nos vies assemblées qui, pas touché, c'est bien. Qui peuvent le réchauffer. Non, reste loin de moi, toi. Décris-nous l'entrepôt. C'est un grand entrepôt. Il est partiellement effondré et la végétation recouvre les poutres apparentes formant la structure de l'entrepôt. Il n'est pas si grand que ça. Reste loin de moi, toi. On ne sait pas trop ce qui stockait, mais ces murs sont complètement recouverts par la végétation. On ne sait que c'est un entrepôt que si on s'amuse à chercher les poutres qui sont encore là. Au cœur de l'entrepôt qu'on vient d'atteindre grâce à l'oiseau, il y a une vieille table de camping blanche, tout écaillée. Hein. Et sur la table, il y a des vieilles tasses en faïence. Il y en a autant que pour chacun d'entre nous. Elle n'y était pas à la base, mais ça semble être l'entrepôt que je cherchais. Et en fait, dans les tasses, encore fumant, et posé à côté les feuilles qui ont servi à faire, il y a le thé noir du souvenir. C'est peut-être pour comprendre ce qui s'est passé. Non. Idéal pour accompagner la tarte aux pommes. Je peux couper la tarte aux pommes? Bien sûr, mon enfant. Oh, il est devenu bizarre, lui. Il s'est mis à parler tout seul d'un coup. Allez, moi, je parle tout seul tout le temps. Il est devenu fou. Qui l'a contaminé? On ne sait pas. Observez à table. Mange ta tarte aux pommes. Je crois que ça me semble important de que tu ajoutes cette feuille dans le thé noir du souvenir pour que ces arômes mémoriels se dégagent. Il faudrait peut-être la tenter tour à tour entre les tasses. Oui. Un panda roux, tu veux. Je pense qu'on peut discuter là-dessus. Tic-tac. Les tasses, donne les tasses. Distribue les tasses. Tic-tac. Et tu veux travailler sur la tête de tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. Enfin, pas grave. Ah, ok. C'est comme... C'est à toi, ça? C'est à qui? Celui-là, c'est Alexa. Tout, tout, tout. Et c'est qui? Et noir, c'est Xavier. Et il en manque peut-être une. C'est pas grave. Je sais pas. Voilà. Pas du tout, c'est important que toi t'en aies une. Moi, je ne vois pas de tes deux souvenirs. Je m'amuse à me trouver. Je me fais passer. Ça marche pas. Faut la trouver dans ta tasse. Et j'ai toujours une dague dans la main. En train de... Et je suis en train de rigoler. Il devrait manger. Alors, vagabond, manger des feuilles. Où nous amène le thé noir du souvenir? Quel est ton souvenir? Alors, je ferme les lèvres. Puis, je vois rien. C'est... Oh, il est là. D'abord, tout noir. Puis, j'imagine que je t'écris tout en ayant la vision. Puis d'un coup je revois l'entrepôt, mais il n'est plus végétalisé. Il semble juste en ruine. Il y a moins de forêt, beaucoup moins de forêt. Il y a des gens qui circulent, ils semblent paniqués. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils fuient? Aucune idée. Ils parlent une langue que je comprends pas. Certains parlent. Je ne sais pas si c'est mon impression, mais ils parlent plusieurs langues. Il y a des... Je ne sais pas comment appeler ça, mais des boîtes. Dedans, des gens s'y cachent avant de le fermer. Plus ou moins bien. Visiblement, dans ma vision, je suis une de ces personnes et je tente d'ouvrir un des conteneurs. Enfin, conteneur. C'est quoi son nom d'ailleurs? Je sais pas. J'imagine qu'il parle des boîtes. Il tente de l'ouvrir, sans succès. Puis, d'un coup, il se retourne. Voix plus ou moins inquiétant, puis la vision s'arrête. Je sais pas ce qui s'est passé dans cet entrepôt, mais il ne faisait pas mon vivant, visiblement. Ça va être difficile avec ce doigt. Et vous, que voyez-vous dans votre tête? Il y a des gouttes les plafonds. Les plafonds de la réserve en ruine creusée à flanc de colline. Ici, les hommes ont pris l'habitude de remiser les graines du temps jadis. Toutes les graines qui ont poussé sur terre sont stockées dans des bocaux de verre. Les graines du millénaire. Au fond du tunnel qui suinte d'eau, les hommes y déposent tels des offrandes à un dieu oublié, le dieu mère, la forêt, toutes les graines, pour qu'un jour refleurisse un jardin. Un jardin d'Éden. Quel souvenir fait émerger le feu en toi? Je ne l'ai pas bu. J'ai renversé la tasse. Parfois, ça vaut mieux. Moi, j'ai rien vu de spécial à part. Toujours les mêmes images en boucle dans ma tête, mais tout va bien. Rien d'autre. C'est quoi les images en boucle dans ta tête? Que je marche toute seule dans la forêt, tout le temps. Parce que t'es à chaque fois, du coup, le soir, je ne veux plus dormir, que j'ai pas envie qu'elle meure, que je revois les images. Les marques, elles passent tout le temps, que viennent tout le temps. Elles viennent sans cesse dans ma tête. Qu'est-ce que tu fais pour les calmer? Bah, pas grand-chose. Pas grand-chose. Ça se calme de sommeil? Ça dépend des jours. Des fois c'est très fort, des fois c'est... Voir, ça me fait des flashs, mais... Est-ce que ça te dérange? Non, non, pas tant que ça. Je me suis habituée au final. Est-ce que tu te rappelles pourquoi tu t'es retrouvée toute seule dans la forêt? Non. Bon, je sais pas. Est-ce que tu voudrais te rappeler ce que tu voudrais aller en arrière et savoir pourquoi t'es tout seul et qui était avec toi avant? Non, je pense pas. Je pense que je verrai bien si c'est des prédictions ou si c'est qu'un mauvais rêve. Tu veux pas... Parce que là, il te reste le marc du thé qui contient le fond du souvenir, quoi. Qui permettrait d'aller plus loin en arrière. Est-ce que tu veux boire le marc du thé ou est-ce que tu préfères t'arrêter avant? Je préfère m'arrêter. Et donc, il y a le mar, comme un humus primordial, le terreau noir du souvenir, qui te regarde et que tu négliges, sans doute, je suppose, avec prudence. Où est-ce qu'elle est, la corde? Et toi, que vois-tu en compter? Dis, Mélocotone, où ils sont, papa et maman? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Pour aller où? J'en sais rien, viens. Dis, mémé, où ils sont, papa et maman? Ils sont partis, boule d'or, c'est comme ça. Tu crois que c'est parce qu'ils nous aiment plus? Non, non, c'est pas pour ça. N'y pense plus, boule d'or. N'y pense plus, je te ferai de la tarte aux pommes. Je propose d'arrêter la session là, si cela vous convient. Où est-ce qu'elle est passée, la corde, tu sais? Regarde, il y a un bout de corde là. Il est déchiré, au bout il y a du... Non, c'est pas ça. Ça peut pas être ça. Tant pis, on se passera de la corde. On va tout se faire. Bouledor, tu feras pas n'importe quoi, hein. Tu courras pas partout dans le jeune. T'as pas intérêt. Bouledor, t'as sauvé. T'es où? Bouledor. Oh non. J'ai pas le temps de la sauver. Oh non. On trouve notre troupeau pour faire Bouledor. C'est le comble. Pourquoi c'est tout rouge au bout de ce bout de corde? Oh là là. Non, c'est parce qu'elle a mangé l'oiseau humide et que maintenant elle s'est transformée en oiseau et qu'elle est en train de voler au-dessus de nous. Non, c'est ce serait l'hypothèse la plus crédible. Mais non, c'est pas ça. L'oiseau, c'est quoi ce si bruit? Si tu m'entends et que tu es boule d'or, ramène-toi s'il te plaît. Pourquoi elle aurait mangé l'oiseau? Je fais l'oiseau exactement. Je sais pas. Bah, il y a un oiseau de plus dans le ciel maintenant. Paraît que si on monte dans les branches du plus haut arbre de la forêt, quand on arrive au sommet des branches, on devient léger comme l'air, on s'envole et on peut aller dans l'espace. Rejoindre ceux qui sont morts et devenir une étoile. Alors, on va pas prendre la corde, on va se donner la main et on va trouver le plus grand cyprès, le plus grand arbre, et on va aller dans l'espace, devenir les frères des étoiles. Je tiens pas la main de Albert. Je prends le bout de corde et le tire. Arrête de tirer la main. Je vais partir. Oula. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Et tu te mets en au milieu. Bonjour. C'est le seul au monde. Et je peux. Le pont-d'arou continue de tirer sur la corde. Avec une dague dans la patte. Mmh. Et fourni, bien sûr. Merci. T'as le même premier copain. De cette session, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous éprouvez, qu'est-ce que vous regrettez éventuellement d'avoir fait? Alors c'est un peu ce que moi j'ai à l'esprit. Contrairement des brefs habituels, je propose que ce soit Thomas qui commence, vu que c'était lui alors qu'il n'est pas notable habituellement. Ok, bah moi ce que je ressens c'est surtout une gratitude pour avoir participé à l'expérience que j'ai écouté toutes les parties qui ont été faites ici. C'était assez chouette de pouvoir en faire partie une fois quoi. C'est assez fou comme expérience quoi. Je vous remercie m'avoir accueilli dans votre cercle pour un temps quoi. Voilà, j'avais juste peut-être une question pour Xavier. J'espère que j'ai vu comment t'as mis les pouces vers le bas. J'espère que ça allait quand même pour l'histoire de l'homme blanc là. Oui, à la fin j'ai un peu poussé le bouchon à la fin. pour un peu me venger, entre guillemets. Okay. Moi, je vais faire un petit commentaire d'ensemble. On avait convenu de jouer à Sève la durée du oui. On n'a pas du tout joué selon la règle. Oui, justement, j'avais les commentaires en disant, tu nous as présenté des règles, on les a suivies au départ, puis d'un coup, c'est venu naturellement de continuer dans plus fluide. Ouais. Voilà, c'était fluide, mais je sais pas comment décrire ça, en fait. Par contre, j'arrivais pas à voir les instances. Oui, justement, c'est ce qu'on évoquait. C'était freeform, quoi, à la fin. Tout ouais. À fait, ouais. Bah, en fait, c'était une improvisation collective, je sais pas comment appeler ça autrement. Mais ça s'est construit assez spontanément autour des objets qu'on avait autour, ça autour de nous. Ça s'est ressenti à partir du moment où tu as donné la parole à Thomas pour qu'il puisse présenter son personnage. Mm. Parce qu'il y avait Alexandre qui m'avait donné une feuille comme on l'aurait fait dans des instances normales. Mm. Du coup, je lui ai rendu la serverie vu que Thomas prenait la parole. Puis après, à partir de ce moment-là, au départ, on les voyait encore un peu les instances, c'était personne par personne. Puis c'est devenu uniforme. Ça pourrait symboliser la progression de nos personnages vers une forêt où tout le monde maîtrise la forêt. Enfin, je sais pas, c'est... Donc c'est, tu exprimes ça, mais c'est pas spécialement un regret, en fait. Ah non, non, c'est un constat, en fait. Mmh, ouais. C'est ni positif ni négatif, c'est juste... Ouais. Bah, si tu voulais qu'on joue à Sève à la durée du oui, c'est raté. Si tu voulais qu'on joue, on a joué à quelque chose. Quoi, j'en sais rien, mais on y a joué. Tout à fait. On a joué à un truc... Ah, c'est vrai que déjà, il n'y a pas une fameuse jet de dés unique. Voilà. Oui, on n'a pas fait progresser le dé... Enfin, moi, je l'ai fait progresser, reculer, etc. Oui, en fait, j'aime pas survivre. La fois où on a vraiment quitté Sève la durée du oui, c'est... À partir du moment où tu as donné quelque chose à Thomas, à partir de ce moment-là, tu avais dégradé le dé qui a été augmenté je ne sais quand, j'avoue que j'ai pas fait attention. Puis Thomas a redonné quelque chose, donc je sais qu'on peut pas descendre en deçà du dé de 6, mais normalement... Justement, à partir de ce moment-là, comme Thomas ne l'a pas fait, plus personne n'a porté d'importance au dé, visiblement. Mais c'est peut-être un tort, en fait, dans le sens où j'ai pas compris que j'avais une responsabilité de le faire, donc du coup j'attendais que ce soit éventuellement toi qui guide un peu sur les règles. Bah, donc, personne l'a fait, je pense que c'était pas voyant que j'étais pas entre guillemets rappelé à l'ordre, j'ai continué, donc j'espère que toi t'as pas un regret, qu'on soit un peu, qu'on ait fait du freestyle. Vu la c'est façon, pas un regret, ouais. Ça peut être un regret par rapport à l'ambition affichée. Ouais. C'est en ces termes-là que je le voyais. On n'a pas joué à ça, mais je considère que ce qu'on a fait était plus intéressant. C'est parce que justement, c'est un prêté pour un rendu, quoi. Voilà, justement, spontanément, ça a fonctionné auprès de tout le monde. Et justement, les règles d'habitude, c'est pour cadrer, pour réussir à ce genre de milieu, justement, réussir à avoir une histoire où tout le monde s'y retrouve et arrive à, comment dire, naviguer à son aise. Et là, bah, visiblement, on a réussi à le faire sans règles. C'est relativement rare, enfin, en tout cas, moi, avec mon expérience aussi faible soit-elle, mais c'est pas plus mal. Enfin, voilà, c'est mon ressenti personnel. Moi, j'ai aimé la partie. Par contre, j'ai pas tellement compris pour le Boulder, c'était... Ton petit frère... Ouais, c'est ça, ouais. Bah, pourquoi on disait elle ? Bah, en fait, on sait pas trop si c'est son petit frère ou ma petite sœur, quoi. Oh. Donc ça a changé un peu, quoi. Parce que... Tu sais, c'est comme quand t'avais les cheveux longs, les dames de Gauthier, elles savaient pas si elles devaient t'appeler il ou elle. Alors, t'inquiète pas, pour moi, Gabriel, c'était la même chose, hein, donc... Non, mais là, ils me font pareil, c'est juste un détail. mais aussi, je sais pas si vous avez... Enfin... j'ai pas tellement aussi compris pour la chose, c'était un humain ou... En fait, c'était... Non, c'était pas un humain, c'était ça. Ce qui m'avait fait faire des cauchemars il y a pas longtemps, d'accord. Comme tu m'avais fait un moins, j'ai pas trop décrit pour que ça aille trop vers là, mais c'était inspiré de ça, quoi. Et en fait, je sais pas si tu te rappelles, au tout début, je décris Mélocotone, où on dit on voit juste les bras et ses jambes. Et en fait, ça ressemblait un peu, mais alors c'est pas Mélocotone, hein, le Orla. Mais en fait, il vient des peurs de Mélocotone, parce que, tu vois, Mélocotone, il a peur que de pas mal de choses, notamment qu'il arrive du mal à Boule d'Or, quoi, de se faire abandonner, tout ça, et donc ses peurs ont généré cette créature, quoi. qui était pas forcément méchante, mais qui avait quand même des... enfin, vraiment eu un objectif très bizarre, quoi, qui était de se faire manger. Et ça t'a pas gêné que j'ai enlevé Boule d'Or d'un coup? Mais il est où? Bah, c'est bien, parce qu'au début, tu m'as mis un moins et tout. Et puis, finalement, après, c'est toi qui as amené toutes les situations horrifiques. Mais par contre, ce que j'ai pas trouvé, c'est qu'il y avait pas de... enfin, sur cette partie, par rapport aux autres, toi qui disais, il faut bien qu'il y ait un combat dans chaque partie, il y en a pas eu. Une forme d'adversité, par exemple. Il y a eu des épreuves. Voilà, la dernière fois, il n'y a pas eu non plus d'affrontement de façon classique. L'affrontement, c'était par rapport à ta condition. Tu as renoncé à ta condition pour devenir un rook. Et maintenant, je suis. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué. Enfin, est-ce qu'on va jouer la suite ou pas? Oui. Puis, si tu le souhaites. Donc, je ne dis pas, parce que voilà, sinon, si ça va un peu spoiler. Mais l'autochtone et Boule d'Or, considérez qu'ils sont versés au domaine public, vous pourrez les réutiliser si vous voulez, ou les écarter si ils peuvent repartir de leur côté avec Mémé, ou sinon, c'est à votre préférence. Je pense que la forme d'adversité, en soi, vu qu'il évoquait la forme d'adversité, c'est ce qu'on fera des scènes du thé. Vu que la scène du thé, ça nous permettait de montrer une scène qu'on souhaitait montrer, que on était seul à la vivre. C'est ça. Par exemple, j'ai pas vraiment demandé la vie à Xavier parce que je l'ai pas particulièrement regardé durant la scène, mais on peut s'imaginer pas mal de scènes horrifiques à partir de la mienne. Mm-hmm. Et j'espère que ça va pas déranger d'ailleurs. Je la connais. De même qu'on peut imaginer le voyage jusqu'au Millennium pour la scène que je vous ai présentée. Et concrètement, tu dis un combat par partie, mais en fait, ça aurait très bien pu dégénérer en combat, soit la rencontre avec l'homme blanc, soit la rencontre avec le Rorschach. Mais je voyais pas l'homme blanc. Enfin, il y avait potentiel que ça dégénère. C'est qui l'homme blanc? Bah, tu sais, celui qu'on voit juste les bras et ses jambes, là, qui veut être mangé. Ah, je croyais qu'il était tout noir de cendre. Noir de cendre et qu'il laissait ses bras. Bah, on était dans les... on était au sortir des forêts limbiques, donc les couleurs sont inversées. En plus, des fois, la cendre, par exemple, c'est... ça fait un, comment les les moines bouteaux, ils sont couverts de cendre, mais en fait c'est blanc la cendre. Mais je pensais cendre noire et des bras qui restaient au sol en glissant. Ils étaient couverts de cendre blanche plutôt. Ok, bah je pense que, sauf si vous avez quelque chose à préciser, on peut s'arrêter là sur le débrief en témoignage audio, et puis si les choses nous reviennent entre nous, on aura le repas pour s'exprimer. Ouais, c'est super. Hein. Bah, vu que Thomas a parlé de du fait qu'il était content de venir jouer à notre table, moi ça fait plaisir de revenir. Voilà. Bah, moi j'ai aimé la partie, je crois que j'avais pas dit. On n'a pas entendu Alexandre. J'ai dit ça, mais on n'a pas entendu Alexandre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'as-tu. Moi, je trouve que c'était bien la partie. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Je trouve que Thomas s'est rapidement adapté. Et plus ça allait, plus les personnes étaient à fond dans le récit. Donc, je trouve que non, c'était bien. Bah moi j'ai essayé de faire jouer Thomas un peu plus. Justement, moi l'une des peurs au dessin. Une fois. Une fois t'étais tout seul. Ah bon? Oui. T'as pas remarqué? Moi une fois j'avais l'impression que tu parlais pas. Bah en fait j'étais plus en écoute que. Oui, voilà, jeu. C'est ça que je voulais dire. Mais. T'étais heureux. Enfin, oui, je m'amusais avec le fil, oui, d'accord, mais est-ce que c'est important? Ouais, pour la petite histoire, je suis allé chercher parce que en fait, j'ai tiré un Pimp My Roleplay, puis c'était mis « Marque ton affection pour le personnage d'un autre », et du coup, j'ai décidé de filer l'amitié qui naissait entre Mélocotone et le vagabond. Et du coup, la carte m'a rappelé ça, et je me suis dit, bah ok, on va retourner vers ça. Je crois que c'était Boule d'Or qui s'entendait bien avec. Vagabond. Bah Boule d'Or aussi, il aimait bien en fait. Non, mais ce que j'ai plus entendu, c'était Boule d'Or. Qui trouvait sympathique. C'est pas faux. Justement, Boule d'Or, qu'avec le système de jeu, que vous êtes que trois à pratiquer habituellement, on est entre guillemets du mal à s'intégrer. Voilà. Mais vu qu'on a joué à tout sauf ça, bah, le problème s'est pas posé.